Chapitre 2. La démocratie est une religion mécréante innovée dont les partisans sont soit des seigneurs législateurs ou des suiveurs qui les adorent. Sache que l'origine de ce mauvais terme, la démocratie, est grecque et non arabe. Il est l'alliance abrégée de deux mots, démos qui signifie le peuple et kratos qui signifie le gouvernement, le pouvoir ou la législation. Et cela veut dire que la traduction littérale du mot démocratie est le gouvernement par le peuple, ou le pouvoir du peuple, ou la législation par le peuple. Et ceci est la principale caractéristique de la démocratie selon ses partisans, et c'est pour cela qu'ils en font les éloges. Or, c'est aux frères du Tawhid, dans le même temps, une des caractéristiques essentielles de la mécréance, du shirk et du mensonge, qui contredit et annule la religion de l'islam et la voie du Tawhid qui s'y oppose le plus fermement. Car tu as compris, dans ce qui a été dit auparavant, que le fondement majeur pour lequel a été instaurée la création, pour lequel ont été révélés les livres et envoyés les messagers, et l'anse la plus solide de l'islam est le tawhid de l'adoration à Allah le Très-Haut et le reniement de l'adoration de tout autre que lui. Et tu as compris que l'obéissance dans la législation fait partie des actes d'adoration qui doivent être consacrés exclusifs à Allah le Très-Haut, sans quoi l'homme est un associateur et compte parmi les damnés. Et peu importe que soit réellement appliquée cette caractéristique dans la démocratie ou non, comme y appellent de tous leurs vœux les démocrates parmi les laïcs et ceux qui se revendiquent de l'islam, ou que le pouvoir reste comme il l'est en fait aujourd'hui, c'est-à-dire le pouvoir des notables, parmi le gouvernement et leurs proches, parmi leurs familles, et parmi les grands commerçants et les riches qui détiennent les richesses et les médias, et qui peuvent avec leurs moyens faire parvenir qui ils veulent au Parlement, palais de la démocratie. De même que leur maître ou leur seigneur, le roi ou le gouverneur, peut dissoudre l'assemblée ou la saisir à tout moment et comme il le veut. Ainsi la démocratie, dans les deux cas, revient à la mécréance envers Allah le Très-Haut. Et l'association shirk au seigneur des cieux et des terres et représente une totale contradiction avec la voie du tawhid et la religion des envoyés. Et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que la démocratie est la législation par le peuple ou le pouvoir du tarout. Elle n'est pas l'ordre d'Allah le Très-Haut. Allah ordonne à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de juger parce qu'Allah lui a révélé et lui interdit de suivre les passions des gens, de la majorité ou du peuple. Et il le met en garde contre le fait qu'il ne l'induise en erreur au sujet d'une partie de ce qu'Allah lui a révélé. Ainsi, Allah dit, « Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre, ne suis pas leur passion et prends garde qu'il ne te tente de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. » C'est ainsi dans la religion du Tawhid et la voie de l'islam. Quant à la religion démocratie et à la voie du shirk, ses partisans disent « Et juge entre eux par ce qui plaît au peuple et suit leur passion. Et prends garde qu'on ne t'écarte d'une partie de ce qu'ils veulent et ce qu'ils désirent et légifèrent. » Voilà ce qu'ils disent. Et c'est ainsi qu'est dirigée la démocratie. Et c'est bien une mécréance claire, un shirk déclaré. Pour qui fait cela ? Mais la vérité concernant les démocraties est pire que cela. Et si l'on voulait parler de leur situation réelle, on dirait. Et juge parmi eux, par les passions du tarout et de ses notables, qu'aucune législation ne soit instituée sans son approbation ni son consentement. Ceci est un égarement évident et clair. Bien plus, c'est un shirk majeur et de la rébellion. Deuxièmement, parce que la démocratie est le pouvoir du peuple ou du tarout, conformément à la constitution et non pas conformément à la loi d'Allah le Très-Haut. C'est ce que dictent leur constitution et leurs livres, qu'ils sanctifient et élèvent plus que le Coran. La preuve est que la décision de leurs livres prévaut sur la décision du Coran et que leur loi prédomine sur la loi du Coran. Ainsi, la décision ou la législation du peuple dans la démocratie, si tant est qu'il ait un réel pouvoir de décision, ne saurait être acceptée que si elle trouve sa source dans les textes de la Constitution et se conforme à ses clauses. Car la Constitution est la reine des lois et le livre sacré chez eux. Il n'y a point de considération dans la religion démocratie pour les versets du Coran ou les hadiths du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et une loi ou une législation ne peut être instituée en conformité avec eux, c'est-à-dire avec le Coran et la Sunna, que si elle est conforme au texte de leur livre sacré, la Constitution. C'est ainsi qu'est leur loi. Si vous avez des doutes à ce sujet, Allah dit, puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-la à Allah et au messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleure interprétation et aboutissement. Et la religion de démocratie dit, puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le au peuple, à son assemblée et à son chef, conformément à la constitution inventée et à la loi terrestre. Allah dit, fille de vous de ce que vous adorez en dehors d'Allah, ne raisonnez-vous pas. Partant de là, si le peuple voulait que soit établi le jugement par la loi d'Allah, le Très-Haut, par le biais de cette démocratie et à travers son assemblée de polythéistes législatrices, ceci ne pourrait être établi qu'avec la permission du Tarout et par la voie de la Constitution et à travers les textes de ses articles. Parce que la Constitution est le livre saint de la démocratie, ou disons sa Torah et son évangile falsifié au gré des passions et des penchants. Troisièmement, la démocratie est un fruit de l'infecte laïcité et sa fille bâtarde, parce que la laïcité est une théorie de mécréance qui tend à l'éloignement de la religion de la vie quotidienne et à la séparation de la religion avec l'État et le pouvoir. Et la démocratie, c'est le pouvoir du peuple ou le pouvoir du Tarout, mais elle n'est pas dans tous les cas le pouvoir d'Allah, le Très-Haut, le Très-Élevé. Et comme tu le sais, elle n'accorde aucune considération à la loi d'Allah, le Très-Haut, le juge suprême, sauf à revenir aux passions du peuple et avant tout cela aux prétentions du Tarout et de ses notables. À cause de cela, si le peuple tout entier disait au Tarout ou au seigneur de la démocratie, nous voulons que soit appliquée la loi qu'Allah a révélée et que le droit de légiférer n'appartienne plus en aucun cas à personne parmi le peuple ni ses représentants parmi les députés ou le gouvernement. Et nous voulons faire appliquer l'ordre d'Allah concernant l'apostat et l'ordre d'Allah concernant le fornicateur, le voleur, le buveur de vin, etc. Nous voulons ordonner à la femme le port du hijab et la décence et interdire l'exhibition, la nudité, l'obscénité, la débauche, la fornication, l'homosexualité et les autres turpitudes. Il leur dirait aussitôt, ceci s'oppose à la religion démocratie et à ses principes de liberté. Ainsi voilà la liberté selon la démocratie. C'est s'affranchir de la religion d'Allah et la rejeter ainsi que ses lois, et c'est la transgression de ses interdits. Quant à la loi de la Constitution et aux limites de leur législation, elles sont protégées et sacrées dans leur démocratie puante. Bien plus, toute personne qui s'y oppose s'en écarte ou la contredit est châtiée. Et malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous, jusqu'à ce que la langue se lasse. La démocratie, ô frères du Tawhid, c'est bien une religion autre que la religion d'Allah le Très-Haut. Elle est la loi du Tarout, et non pas la loi d'Allah. Elle est la législation des seigneurs opposés et éparpillés, et non pas la législation d'Allah l'unique, le dominateur suprême. Celui qui parmi les créatures l'accepte et qui est d'accord avec elle a en réalité accepté que le droit de légiférer lui soit attribué conformément aux articles de la Constitution et que ce qu'il légifère prédomine sur la loi d'Allah l'unique, le dominateur suprême. Et peu importe après cela, qu'il ait légiféré ou qu'il n'ait pas légiféré, qu'il ait remporté les élections législatives ou non, son agrément avec les polythéistes quant à la religion démocratie et son acceptation que l'autorité et la législation lui soient confiées et que son autorité soit placée au-dessus de l'autorité d'Allah, de son livre et de sa loi. Cela constitue la mécréance à part entière. Ceci est un égarement évident et clair dans tous les cas et cela est du shirk polythéisme vis-à-vis d'Allah et de l'adversité envers lui. Le peuple dans la religion démocratie se fait représenter par ses députés et autres représentants. Et chaque groupe, chaque parti, chaque clan parmi le peuple se choisit un seigneur parmi ses seigneurs dispersés afin qu'il légifère pour eux en suivant ses passions et ses caprices. Mais comme cela est connu, en conformité avec les articles et les textes de la Constitution et dans ses limites. Et parmi eux, certains choisissent leur maître adoré et leur législateur selon leur pensée et leur idéologie. Et c'est alors le seigneur de tel parti ou la divinité de tel autre parti. D'autres parmi eux choisissent leur seigneur en fonction du clan et du groupe. C'est alors la divinité du clan un tel ou l'idole adorée de tel autre clan. Et d'autres parmi eux choisissent une divinité qu'ils prétendent être salafi, tandis que d'autres prennent un seigneur ikhwani. Et voilà pour eux leur maître adoré, qu'il soit barbu ou rasé, et ainsi de suite. Ou bien, aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Or, si l'arrêt décisif n'avait pas été prononcé, il aurait été tranché entre eux. Les injustes auront certes un châtiment douloureux. Ces représentants sont en réalité des idoles qui ont été dressées, des statues adorées, des divinités érigées dans leur temple et leur forteresse du polythéisme, le Parlement, qui adoptent pour eux-mêmes et leurs suiveurs la religion, démocratie et la loi de la Constitution. À elles, ils se réfèrent pour leur jugement et ils légifèrent conformément au texte de ces articles. Et celui qui gouverne au-dessus de tout cela, c'est leur seigneur, leur divinité, leur grande idole qui approuve ce qu'il légifère et l'authentifie ou le refuse et le rejette. C'est le chef, le roi ou le président. Ceci, ô frère du Tawhid, est la vérité sur la démocratie et sa voie, la religion du Tarout, et non pas la religion d'Allah. C'est la voie des polythéistes et non pas la voie des prophètes. La voie des seigneurs et des divinités dispersées et divisées, non pas la loi d'Allah, l'unique, le dominateur suprême. Ô mes deux compagnons de prison, quel est le meilleur des seigneurs éparpillés ou Allah l'unique, le dominateur suprême? Vous n'avez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Allah est très élevé au-dessus de ce qui lui associe. Alors choisis, ô serviteur d'Allah, ou bien la religion d'Allah, sa loi purifiée, sa lumière éclatante et sa voie droite, ou bien la religion de la démocratie, son polythéisme et sa mécréance et son chemin tortueux et sans issue. L'ordre d'Allah l'unique, le dominateur suprême, ou bien l'ordre du Tarout. Le bon chemin s'est distingué de l'égarement, donc quiconque mécroit au Tarout, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Chapitre 3. Réfutation des ambiguïtés et mensonges qui servent à justifier la religion démocratie. Allah le Très-Haut dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à diverses interprétations. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation. Alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah, mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. » Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés, et accorde-nous ta miséricorde, c'est toi certes le grand donateur. » Allah le Très-Haut a mis pour nous en évidence dans ces versets le fait que les gens, dans leur attitude face à sa loi, sont de deux catégories. 1. Les gens qui sont bien enracinés dans la science. Ils l'apprennent, et ils y croient dans son ensemble, et ils relient entre eux le général et le particulier, ce qui est absolu et ce qui est restrictif, l'abrégé et le détaillé. Et tout ce qui se présente à eux, ils le renvoient au fondement clair et évident, aux bases essentielles et aux racines solides qui permettent la compréhension des sources de la loi. 2. Les gens de la maladie et de l'égarement. Ils suivent ce qui est ambigu. Ils le prennent et s'en réjouissent en recherchant la fitna et en se détournant de ce qui est clair et évident et explicite. Et ici, dans ce sujet relatif à la démocratie, aux assemblées parlementaires du shirk et de ce qui s'y rapporte, les gens suivent la voie des gens de la maladie et de l'égarement. Et ils suivent les on-dits et les ambiguïtés. Ils prennent des propos singuliers sans rattacher ces références à leurs sources claires, ni aux commentaires et explications des bases de la religion et de ses fondements essentiels. Et ceci pour recouvrir la vérité du mensonge et la lumière des ténèbres.